Théorie du chaos et complexité, voilà les sujets dont il va être question dans l'enregistrement d'aujourd'hui. Et en fait, j'ai choisi de les aborder étant donné que j'évalue que c'est des éléments qui sont pertinents à prendre en considération. Bon, par rapport à ce que c'est la théorie du chaos, c'est l'idée qu'il existe des systèmes chaotiques où il est impossible de prévoir leur comportement sur du long terme, de sorte qu'on échappe à une vision qui est totalement déterministe de certains systèmes ou de certains événements. Prenons par exemple le cas de la météorologie. Dans ce domaine, en fait, il a émergé entre autres la théorie du chaos en relation avec les travaux d'Edward Lorenz. Donc, en lien avec ça, je vais lire une partie d'un article qui a été fait sur Wikipédia. Ce qui est écrit, c'est que Edward Lorenz travaillait sur des problèmes de prédictibilité, à savoir des prévisions météorologiques grâce à des systèmes informatiques. D'après les lois déterministes, également dites prévisionnistes, créées par Galilée et développées par Isaac Newton, sur lesquelles les conditions initiales permettraient de déterminer l'état futur d'un système grâce à la mise en place de nouvelles techniques mathématiques, le calcul différentiel, alors en vigueur, toute action X aurait des conséquences Y prévisibles grâce à des formules mathématiques. Par contre, le point, c'est qu'Edward Lorenz y affirme qu'il n'était pas envisageable, selon l'article, de prévoir correctement les conditions météorologiques à très long terme, par exemple un an, parce qu'une incertitude de 1 sur 10 à la puissance 6 lors de la saisie des données de la situation initiale pouvait conduire à une prévision totalement erronée. Or, d'une part, ces incertitudes sont inévitables, et d'autre part, l'homme ne peut pas prendre en compte tous les éléments qui constituent son environnement, surtout lorsqu'il s'agit de variations infimes. Donc, tout ça pour dire qu'il suffit qu'il y ait un petit peu de variation par rapport à des données. Un stade très, très petit, une très petite échelle, puis là, ça a amené des bifurcations qui fait en sorte que on ne peut pas prévoir à 100% qu'est-ce qui va arriver d'un système météorologique par rapport à son évolution dans le temps. T'sais, ça peut être une tornade, ça peut être une tempête ou n'importe quoi. Ce qui fait en sorte, comme vous le savez, les prédictions météorologiques encore en date aujourd'hui, au moment où est fait cet enregistrement, ne peuvent pas cerner totalement la réalité de la météo d'une perspective, d'une compréhension des phénomènes météorologiques d'une manière absolue pour les prévoir, puis les prédictions arriveraient tout le temps à 100%. Pourquoi? Ben parce que on peut pas avoir accès à toutes les variables qui vont programmer les conditions de manifestation météorologique. Donc, tout ça pour dire que il y a l'imprévisibilité de certains systèmes est en relation avec des dimensions chaotiques, donc qui échappent à notre compréhension de l'ordre, qui peuvent pas être appréhendées par rapport à nous-mêmes. Puis il y a des incertitudes qui, dans le fond, permettent au chaos d'émerger, qui fait en sorte que la vision déterministe du monde qui a été véhiculée par, entre autres, certains scientifiques, certains physiciens, entre autres, dans le fond, ne tient pas la route à 100%. Donc, il y a une dose d'incertitude, puis il faut composer avec le chaos l'incertitude. Et entre autres dans le domaine météorologique, même aujourd'hui avec des algorithmes de plus en plus complexes, le développement de ce que certains vont appeler l'intelligence artificielle, même si on a une compréhension beaucoup plus vaste des différentes variables qui ont une incidence par rapport à la météo, ben on peut toujours pas l'appréhender à 100%. Et à mon avis, on ne pourra jamais l'appréhender totalement à 100%, c'est-à-dire que les prévisions soient 100% totalement justes parce que à quelque part, au-delà des variables sur le plan physique qu'on peut en appréhender, bien, il peut y avoir d'autres variables qui nous échappent et qui vont faire en sorte que À quelque part, on comprendra jamais les phénomènes d'une manière totale avec l'intellect. Donc, tout ce qui est abordé avec l'intellect étant une compréhension relative occasionne tout le temps de l'incertitude. Ce qui fait en sorte qu'on a à composer, si on appréhende le monde avec l'intellect, avec une dose de chaos. Donc, à ce moment-là, il y aura toujours une partie imprévisible par rapport à la réalité. Donc, le chaos, en fait, c'est ce qui sert, entre autres, à décrire des systèmes qui ne semblent pas obéir à des lois ou qui sont impossibles à prévoir. Dans le fond, il y a une dimension chaotique par rapport à la météorologie, dans le sens que la science de la météorologie ne permet pas de prévoir à 100% la température qui va faire à peine dans quelques jours, voire quelques heures. Et la théorie du chaos est intéressante à prendre en considération dans le cortex actuel où nous nous trouvons. C'est-à-dire que dans le cortex présent, ben, on est dans un monde qui, à l'ère de la mondialisation, devient de plus en plus imprévisible parce qu'on vit dans un monde complexe. C'est-à-dire que plus il y a une grande quantité d'interactions dans un système, plus par la suite le système devient imprévisible. Donc, la multiplication des flux de données entre les individus, avec la technologie de l'information aussi, les flux de données aussi qui sont générés par l'intelligence artificielle, les ordinateurs et les flux de données entre les ordinateurs qui interagissent entre eux et qui interagissent avec les individus et vice-versa. Tout ça mis ensemble, donc plus qu'une grande quantité de flux d'informations qui est produit. On le voit avec le big data, plus de données qui sont générées au fil des ans, plus que ça complexifie les choses. Donc, plus la société devient complexe, plus un petit détail peut changer l'ensemble du système. Et à ce moment-là, le fait qu'on devient dans un monde de plus en plus... Dans le fond, imprévisible à cause de la complexité des données auxquelles on est exposé, puis des systèmes de plus en plus complexes qui se développent à l'ère de la mondialisation, fait en sorte qu'on vit dans un monde de plus en plus imprévisible. Et par rapport à ça, l'impact que ça a, si on le prend sur le plan politique, c'est que ça devient de plus en plus difficile pour des politiciens de respecter leurs promesses électorales une fois élus parce qu'ils ont à composer avec de plus en plus une grande quantité de variables. Et une grande quantité de variables ont de l'impact sur eux. Donc, la vision linéaire que pouvait avoir, par exemple, un politicien disant « Si je suis élu, je vais faire ci, je vais faire ça », ben la réalité devient de plus en plus changeante et de plus en plus rapidement, étant donné que l'afflux de données qui est généré par l'ensemble du système ont un impact sur les différentes composantes. Donc, l'univers étant un des volets se rapportant à la théorie du chaos, c'est que l'univers est complexe et qu'il s'auto-organise par lui-même, puis plus un système est complexe, plus il devient imprévisible. Et tout ça pour dire qu'il peut y avoir un petit événement qui a un grand impact. Puis c'est sûr qu'à l'ère des technologies de l'information, médiatisation et de l'effet d'amplification aussi d'un événement par rapport à une grande quantité de médias qui vont le relayer inlassablement. Ça a beaucoup d'impact. Si on prend, par exemple, les événements des attentats du 11 septembre, le fait que les informations relatives à l'événement ont été véhiculées un peu partout dans le monde avec les médias, ça a eu une incidence au niveau planétaire, c'est-à-dire que beaucoup de pays qui ont été affectés par rapport à ça suite aux attentats du 11 septembre, notamment dans leur vision de la menace du terrorisme international, la mise en place de lois. Il y a eu, suite à l'attentat du 11 septembre qui s'est déroulé aux États-Unis en 2001, toute une politique qui a été mise en place et qui a fait en sorte, il y a eu le Patriotic Act aux États-Unis qui permet de surveiller les individus. Ensuite, il y a eu l'entrée en guerre en Irak, en Afghanistan. Donc, ça a eu des conséquences, des retombées internationales, cet événement qui a eu cours. Sinon, des petits éléments qui ont beaucoup d'impact sur le système. Prenons par exemple qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce qu'on nous a dit étant une pandémie en 2020. Donc, un simple virus qui, à l'ère de la mondialisation, a été, dans le fond, selon ce que nous disent les médias, véhiculé un peu partout. En fait, le simple fait qu'on véhicule l'information dans les médias au niveau international que la menace d'un virus, comme on évolue avec un système, dans le fond, médiatique qui a une incidence sur beaucoup de personnes, puis il y a du relais d'information, puis on va parler de nouvelles qui sont virales dans le monde, ça fait que par rapport à ça, le monde est instable. Et dans le fond, une des belles illustrations, comme de quoi que la théorie du chaos, dans le fond, est très effective. En fait, plus qu'on devient un monde qui est complexe, plus qu'elle est effective, ben c'est ce qui s'est passé en 2020. C'est-à-dire que rapidement, beaucoup de pays ont amené leur population à connaître des confinements par rapport à des informations qui ont été véhiculées par rapport à un virus. Donc, et ça, les confinements, ben ils étaient difficilement prévisibles au niveau de calculs qui auraient été faits par rapport à l'anticipation de certaines politiques d'une manière linéaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la théorie du chaos en relation avec l'imprévisibilité du contexte contemporain lié au grand flux de données générées par des individus et des machines? C'est qu'on se dirige de plus en plus vers un monde qui est complexe et imprévisible, donc un monde qui risque de nous surprendre. Donc, c'est sûr que la complexité occasionne des opportunités qu'il n'y avait pas avant, puis aussi la possibilité de générer des bifurcations qui peuvent être difficilement prévisibles à l'avance. Puis plus qu'on vit dans un monde qui se complexifie notamment avec l'utilisation de technologies de l'information, et plus le concept de chaos et de complexité, à mon avis, doivent être pris en considération. Lorsqu'on regarde le déroulement de l'histoire actuelle, certains vont parler de l'accélération de l'histoire en lien avec la grande quantité de flux de données, d'informations par rapport à la civilisation humaine si elle est entrevue en tant que système. Et tout ça, ça doit être pris en considération. Et la théorie du chaos met en échec une vision purement déterministe du monde. Par contre, dans le fond, ce que je voulais dire par rapport à la théorie du chaos, c'est que c'est un sujet qui avait été abordé, entre autres, dans le premier film de Jurassic Park sorti en 1994. J'ai trouvé ça intéressant. Parce qu'il y avait Malcolm, c'est un personnage dans le film de Jurassic Park qui avait mis en garde le propriétaire du parc d'attractions qui avait fait développer sur le plan génétique à partir de vestiges qui se rapportent au passé de dinosaures par rapport à l'ADN qui avait été retracé. Il avait fait développer un laboratoire des dinosaures, puis lui, Malcolm, il a dit, même si tu utilises, je vous dis de ce que j'avais compris dans mes mots, les meilleures clôtures électrifiées, des systèmes de contrôle ultra modernes avec des caméras, et ainsi de suite, il avait mis, dans le fond, en lumière le fait que, à quelque part, il y a des variables qui vont t'échapper, puis tu risques de perdre le contrôle, ces dinosaures. Naturellement, l'autre qui était millionnaire, propriétaire du parc, il l'a pas vraiment pris au sérieux. Sauf que dans le film, c'est ce qui est arrivé, c'est que le propriétaire du parc a perdu le contrôle sur les dinosaures. Et ça a été une illustration de la théorie du chaos. C'est-à-dire que même si on cherche à mettre de l'ordre, à mettre en place des structures de contrôle à différents niveaux, il y aura toujours des variables qui vont échapper à l'esprit humain, dont la présence d'une forme de chaos qui, dans le fond, on ne peut pas prévoir, qui est imprévoyable. Par rapport à ça, un peu comme les prédictions météorologiques, on peut cumuler un paquet de variables, mais il y a toujours une dimension imprévisible qu'il y a là. Et dans le film Jurassic Park, l'imprévisibilité, c'est que, à quelque part, le propriétaire, il perd le contrôle du parc avec les dinosaures. Et l'idée, c'est qu'une petite variable, une petite bifurcation, même minime, peut avoir un impact extrêmement important sur un système complexe, et plus que le système est complexe, plus qu'il devient fragile à partir de l'impact de variables infimes. Et c'est sûr que l'image qui est poétique en lien que la théorie du chaos qui est en relation avec elle, c'est celle par rapport à la célèbre citation qui a été attribuée à Edward Lorenz lors d'une conférence scientifique en 1972, étant celle-ci: « Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? » Donc, l'idée derrière ça, c'est qu'une petite cause, un battement d'ailes, peut avoir un gros impact, générer une tornade. Bien entendu, c'est une formulation imagée qui est tape à l'œil, qui attire l'attention. Dans les faits, j'ai jamais vu de papillons qui génèrent des tornades, là, naturellement. Mais l'idée, c'est de mettre à travers cette citation-là, qui est belle sur le plan esthétique, c'est un peu comme une image poétique, l'emphase qu'un petit élément peut avoir un gros impact. Et c'est la même chose par rapport à un individu. Donc, un individu peut mettre, si on peut dire, son grain de sel dans un système et le mettre en échec. Parce que plus le système devient gros, complexe, plus qu'il peut devenir vulnérable par rapport à un petit élément. Un petit élément qui peut être viral. Prenons par exemple le cas d'un virus qui, en 2020, on fait juste parler de la menace d'un virus, puis ça a paralysé plusieurs pays occidentaux avec les mesures de confinement, l'arrêt de la production en Chine, et ainsi de suite. Mais une menace aussi peut être virale par rapport à un simple individu qui, un jour, va publier une vidéo sur Internet. Et un peu à l'image du sable qui va mettre en échec l'engrenage d'un système qui, en se complexifiant, devient de plus en plus fragile, mais à ce moment-là, c'est de comprendre que, à quelque part, un petit élément qui peut t'amener, qui peut sembler minime ou anodin, peut avoir une grande incidence sur un système, d'autant plus si le système, au fil du temps, se complexifie avec un paquet d'interactions, puis en même temps se fragilise dû de sa complexité. Donc, à ce moment-là, ça devient intéressant, cette compréhension-là. Et tout ça pour dire que petites variations peuvent changer le résultat d'une expérience ou le développement d'un système, et que tout ça doit être pris en considération. Mais en lien avec la théorie du chaos, est-ce que j'ai une vision chaotique du monde dans le sens imprévisible? Oui, au niveau intellectuel, dans le sens que, à mon avis, l'idée qu'à partir d'équations mathématiques complexes, d'algorithmes, on puisse saisir la réalité, pour moi, c'est une illusion. L'être humain avec son intellect ne peut pas comprendre la totalité de la réalité, c'est impossible, c'est impensable, étant donné que la totalité de la réalité est infinie. Par contre, c'est cette dimension imprévisible ou transcendante au plan physique, c'est-à-dire qui dépasse la dimension des lois associées à la matérialité, qui amène l'idée d'une vision qui se rapporte à un au-delà du plan physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste le plan manifeste qui existe, c'est-à-dire qu'il existe aussi un plan nouménal en plus de celui phénoménal, parce que s'il y avait juste un plan nouménal, bien tôt ou tard, on pourrait maîtriser l'ensemble des lois physiques qui génèrent les phénomènes. Or, si le plan physique s'apporte à un plan qui est au-delà du plan physique, bien, on ne pourra jamais totalement comprendre la dynamique entre les deux, puis être capable de cerner totalement les lois de la physique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le fait qu'une dose de chaos ou d'éléments insaisissables qui se rapportent à notre réalité confirme l'existence d'une dimension transcendante au plan physique, ou une dimension absolue qui échappe à celle relative, donc une dimension nouménale qui est au-delà du phénoménal. Et tout ça, dans le fond, peut avoir des débouchés sur le plan métaphysique, la science d'une vision matérialiste qui se rabat sur l'idée qu'il suffit de comprendre les lois de la physique au niveau matériel pour être capable de comprendre toute la réalité. Or, on n'arrive pas par rapport à ça à aboutir totalement. Certes, il y a des lois qui amènent, par exemple, à prévoir les déplacements de planètes. Il y a des lois relatives au niveau de la physique. Par contre, est-ce que des lois absolues, que, comme je le mentionnais tantôt, qui permettraient de comprendre totalement à 100% la météo qu'elle allait avoir dans les prochaines années? La réponse, c'est non. Même chose pour d'autres phénomènes. Donc, c'est sûr qu'en lien avec ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut se casser la tête, on peut réfléchir, on peut intellectualiser, on peut analyser, mais il y a tout le temps une dimension de réalité qui est au-delà de tout ça. Et il faut l'accepter, il faut... Des fois, c'est difficile d'accepter de composer avec la dimension imprévisible du monde. Et c'est le défi auquel je suis confronté. C'est sûr qu'en m'intéressant à la question de la théorie du chaos et de la complexité qui se rapporte au contexte contemporain à l'ère de la mondialisation, j'ai d'autres choix que de réaliser que je me trouve comme... C'est la raison, entre autres, pour laquelle je fais cet enregistrement-là, comme beaucoup d'entre vous, dans un contexte qui devient de plus en plus instable, dans le sens que mouvant, fluctuant, au fur et à mesure que le flux de données est grandissant et les systèmes deviennent complexes. Donc, c'était le sujet de l'enregistrement d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et je vais partager en bas de cet enregistrement le lien web là, de l'article de Wikipédia qui se rapporte à la théorie du chaos. Au revoir.